Bonjour à toutes et à tous, c'est Alex, bienvenue sur Radio Gamozo, station 107 FM pour cette 6ème chronique de Mille et une histoires de tatouage. Commençons, comme à l'habitude, par un rapide résumé de la chronique précédente. Dans celle-ci, nous avions parlé du tatouage contraint dans l'Antiquité, la Chine ancienne, pendant la Seconde Guerre mondiale et l'époque contemporaine. Nous avions ensuite parlé du style de tatouage old school, pour finir avec le motif de l'ange ainsi que ses significations. Pour cette nouvelle chronique, nous parlerons du Mendi. Continuerons ensuite avec un style de tatouage pour finir avec un motif et ses significations. Démarrons dès à présent la première partie de cette chronique. Le Mendi ou Argus au Maghreb désigne habituellement l'art du dessin fait au nez sur la peau. Le henné est un arbuste épineux de la famille des arbres ou herbes vivaces ou annuelles pouvant atteindre 6 mètres de haut. Le Mendi est un équivalent éphémère du tatouage. Il est encore ou était populairement utilisé dans divers pays arabes musulmans, au Maghreb en particulier et dans certaines parties de l'Asie. C'est une forme d'art corporel utilisée lors des mariages pour les deux jeunes mariés au Bangladesh, au Cachemire et au Soudan. Au Rajasthan, un pays de l'Inde du Nord-Est, le Mendi est un art folklorique, et il est courant que les femmes se fassent des dessins aussi raffinés que ceux des jeunes mariés. Dans le Maghreb, et plus notamment au Maroc, en Algérie, en Tunisie et en Mauritanie, le henné, en complément des tatouages définitifs, fait à l'aiguille en utilisant le bleu ergoté ou des encres noires, faisait traditionnellement partie de l'arsenal de la séduction féminine. Cependant, en plus de ses fonctions esthétiques, le tatouage au henné avait des fonctions magiques et protectrices. En effet, certains de ces tatouages étaient censés non seulement protéger le porteur des esprits maléfiques, du mauvais sort ou autre, mais pouvaient avoir aussi un but thérapeutique. En Afrique du Nord, par exemple, le tatouage de poing disposé entre les sourcils en forme de croix était dit atténuer ou faire disparaître les migraines. C'est un tatouage dessiné en associant de nombreux signes traditionnels, protecteurs, magiques ou en prévention de la maladie, formant ou non des idéogrammes ou des signes pictographiques, plus ou moins symboliques, souvent appliqués par des vieilles femmes, selon une tradition familiale et d'appartenance à un groupe ethnique. Il peut être appliqué sur tout le corps, bien qu'aujourd'hui le plus souvent étant sur les mains et les pieds, sous forme de tatouages traditionnels, mais de plus en plus sous forme de tatouages fantasy, plus ou moins complexes. Là où la peau est plus épaisse, sous la plante des pieds par exemple, le pigment offre une coloration qui dure plus longtemps dans le temps. Pour préparer la pâte de henné qui servira de base pour le tatouage, des feuilles séchées sont broyées jusqu'à obtenir une poudre qui sera mélangée, selon les traditions avec de l'eau et avec l'indigo ou un liquide foncé tel que le café ou le thé afin d'assombrir la couleur. Du jus de citron pour libérer et fixer le colorant, ainsi que du sucre pour l'uniformité de la pâte y sont ensuite ajoutés. Cette pâte obtenue est ensuite appliquée en dessin, souvent très fin, à l'aide d'un bâton taillé en pointe appelé calame, ou d'une petite poche souple que l'on presse pour en faire sortir le contenu, ou encore d'une seringue. Le temps de contact avec la peau influe sur la tenue. Elle est donc laissée jusqu'à 6 heures avant de l'enlever et pour accroître la pénétration du colorant. Le tatoué doit éviter de se laver pendant encore plusieurs heures si cela est possible. Selon le temps de séchage et la nature de la peau, la transpiration ou la chaleur favorisant la décoloration, le tatouage au henné persistera entre quelques jours et deux semaines, la couleur rouge-brune évoluant vers l'orange avant de disparaître. Du point de vue sémantique, l'expression tatouage au henné, souvent employée, semble contradictoire dans ces termes. En effet, le mendi de henné est temporaire, alors qu'un tatouage au sens habituel du terme est l'insertion chirurgicale et permanente du pigment dans le derme, dans la partie profonde de la peau. Nous terminons cette première partie de chronique en parlant de la santé. En ce qui la concerne, il n'existe aucun risque quand le henné est naturel. Cependant, les dermatologues observent un nombre croissant de réactions allergiques graves quand le henné n'est pas naturel. Passons maintenant à la seconde partie, en parlant d'un style de tatouage. Le style du jour est le style watercolor, appelé aussi tatouage aquarelle. En matière de tatouage, les évolutions enregistrées depuis des millénaires sont multiples, encore plus depuis ces dernières années où de plus en plus de nouveaux styles font leur apparition. Après Stéphane Chaudeseg, dont j'ai parlé dans une chronique précédente, Frank Carillo est arrivé avec le tatouage crayonné et le succès qu'on lui connaît. Dans cette catégorie de nouvelles tendances de tatouage est arrivé le tatouage aquarelle, qui est de plus en plus répandu. Partons à la découverte de ce style qui confirme que le tatouage est un art vivant. Commençons par la technique de l'aquarelle en peinture. Celle-ci utilise des pigments colorés qui sont agglutinés dans de l'eau gommée afin d'obtenir un effet transparent. Cet effet distingue l'aquarelle du caractère opaque de la gouache et des tatous réalistes. Peu de matériel, plus un temps de réalisation rapide font de l'aquarelle une peinture autrefois appréciée pour les peintures d'extérieur et les pochades. On retrouve essentiellement l'usage de l'aquarelle au sein de la peinture chinoise classique. Puis, un peu plus tard, au 6e siècle, cette technique sera introduite en Occident pour créer les enluminures, mais délaissée à la Renaissance, ce ne sera qu'au 19e siècle qu'elle sera réintroduite et qu'elle trouvera ses lettres de noblesse auprès des Anglais. Ce n'est qu'au début des années 2000 qu'elle sera adoptée en tatouage. Cependant, il faudra attendre 2010 pour que le tatouage aquarelle commence véritablement à se répandre avec des tatoueurs comme Sacha Unisex, Ondrash, Agayadou ou encore Victor Octaviono. Peu de tatoueurs osent se frotter à ce style car sa réalisation est un peu plus complexe. Ce type de tatouage est aussi appelé watercolor et tout comme la peinture aquarelle nécessite un mélange afin qu'on puisse obtenir la transparence recherchée, celui-ci peut consister en une association des encres de couleurs vives avec de l'eau, ou en une association de plusieurs encres. Cet effet se rapproche beaucoup du réaliste, et c'est pour cette raison que le tatouage aquarelle est souvent assimilé au tatouage réaliste. Une certaine recherche de finesse, cependant, conduit parfois à délaisser la précision nécessaire dans le tatouage réaliste. Ce manque de précision et ses contours volontairement floutés donnent des airs abstraits au tatouage aquarelle. Ce type de tatouage est donc un mélange entre le tatouage abstrait et le tatouage réaliste. Parfois sans ligne, sans contour et sans forme standard, le tatouage aquarelle laisse libre à toute la créativité. Il ne faut juste que le génie et le doigté d'un tatoueur professionnel. Comme vous avez pu l'entendre, ce type de tatouage est fait pour les personnes qui aiment la couleur et qui hésitent entre un tatouage abstrait ou un tatouage réaliste. Dirigeons-nous à présent vers un motif et ses significations. Et le motif du jour, pardon, est la dague. Les dagues sont souvent vues comme des armes bien plus coupe-gorge et sans pitié que les épées qui, elles, sont beaucoup plus longues et élégantes avant tout utilisées dans les batailles. Une dague, objet historique et souvent décoré autour desquels plane une aura mystère, est bien plus souvent utilisée comme une arme secrète dans les conspirations d'assassinat et peut être cachée sur le corps jusqu'au dernier moment. Ces petites armes furtives peuvent être tatouées seules ou faire partie d'une œuvre grande. Deux options qui permettent de personnaliser le dessin au niveau de la taille, de la forme, du motif et de la couleur de la dague, mais aussi des autres images que vous choisirez d'inclure dans le dessin. Comme ce sont des tatous qui peuvent être facilement personnalisés, de nombreuses significations différentes existent. En voici quelques-unes. La mort, les objectifs, l'ambition, un cœur brisé, une trahison, le danger, l'absence de peur et bien d'autres. Il existe aussi différentes variations de tatouages de dagues. Je ne vous en citerai que quelques-unes pour vous donner une première idée. Le cœur et la dague. Combinaison classique de deux symboles extrêmement puissants. Le cœur symbolise l'amour et les désirs cachés d'une personne, tandis que la dague peut symboliser la mort, la destruction ou la trahison. Donc si vous mettez ces deux images ensemble, vous aurez un puissant symbole de deuil, d'amour trahi ou de sacrifice personnel. Une façon de personnaliser ce dessin est de changer la position de la dague. Une dague qui transperce le cœur peut signifier une fin nette et claire, même si la souffrance reste. Si un bord est déchiré, il peut y avoir une représentation d'une blessure pas encore cicatrisée. Mais une autre façon de personnaliser ce dessin est d'inscrire quelques mots sur un ruban blanc placé sur le cœur. Une phrase inspiratrice et encourageante, comme « ce qui ne tue pas rend plus fort » ou du nom de la personne qui vous a trahi. La rose et la dague. Ces tatouages, au travers de deux significations bien opposées, la rose symbolisant la beauté, l'amour, l'amitié et la vitalité, alors que la dague symbolise la mort, la trahison, la destruction et le caractère insidieux des choses ou des êtres, peuvent représenter la dualité de la vie. Si vous souhaitez convoyer ce message de façon effective, vous pouvez représenter une série de roses ou un rosier entourant la dague qui prouve que les deux éléments peuvent coexister. La rose transpercée par la dague, avec quelques gouttes de sang, peut montrer la prédominance des éléments sombres de la vie. Là encore, c'est un dessin qui peut être facilement personnalisé, en variant la forme de la dague, la couleur des roses, ou en ajoutant une citation personnelle sur un ruban blanc placé à travers de la dague. Le dragon et la dague. Associer une des plus grandes forces mythologiques telles que le dragon, avec une petite arme comme la dague, peut représenter la capacité d'un individu, à vaincre n'importe quel obstacle ou ennemi, et ce, peu importe sa taille. Ces deux motifs sont de grands dessins pour les personnes ayant vaincu ou espérant pouvoir en vaincre un obstacle intimidant, grâce à leur détermination et leur courage. C'est un tatouage que vous pouvez rendre unique en donnant une touche personnelle à la dague ou en dessinant le dragon de telle façon qu'il évoque la peur ou l'obstacle que vous avez réussi à vaincre. Par exemple, en modifiant l'expression faciale, en changeant les couleurs ou même au travers des caractéristiques du dragon. La dague dans un porte-jartelle. L'un des dessins les plus populaires auprès de la gente féminine est placé sur la cuisse, il peut être terriblement sexy et féminin. Mais si le placement est attractif, l'image en elle-même représente le pouvoir de la femme. En effet, par le passé, les dagues étaient souvent placées par les femmes dans leur porte-jartelle afin de se protéger en cas de danger. Si quelqu'un tentait de les attaquer, elles n'hésitaient pas un instant à blesser, voire à tuer leur agresseur. C'est un motif avec lequel il est possible de jouer, par exemple en utilisant la juxtaposition entre le côté délicat et puissant du motif, en créant un dessin incroyablement féminin et détaillé du porte-jartel avec la combinaison d'une dague particulièrement affilée et menaçante, avec pourquoi pas quelques gouttes de sang de votre dernière victime. Laissez libre cours à votre imagination en ce qui concerne les couleurs et le dessin. Il est possible de customiser votre tatouage afin qu'il corresponde au maximum à votre personnalité unique. Ce ne sont là que quelques exemples que l'on rencontre le plus fréquemment. Cependant, il en existe encore plusieurs, tels que le serpent et la dague, le crâne et la dague, la dague et la cerise, etc. Mais ce qu'il faut retenir de ce tatouage, c'est que c'est un motif très facilement personnalisable, et que même si plusieurs personnes décident de se faire tatouer une dague transperçant une rose, elle aura à chaque fois une signification différente. C'est ainsi que cette sixième chronique se termine. J'espère que vous l'aurez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire part de vos avis sur la page Facebook de Radio Gamozo, sur son site à l'adresse www.radiogamozo.eu ou même par téléphone au 03 29 62 40 40. Bien sûr, cela va de soi que nous serons ravis de vous répondre. En attendant, moi je vous laisse. Je vous souhaite une agréable journée ou soirée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique de mille et une histoires de tatouage. Ciao.